Les délégués pour les festivités consacrées au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung ont visité le 12 avril le palais du soleil de Kumsusan pour rendre l'hommage sublime.